Allah Ta'ala a des attributs, mais que rien ne lui ressemble, comme il a dit dans le Coran. Rien ne lui le ressemble, et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Non. Pour eux, si tu dis que Allah Ta'ala a la main, ça veut dire elle est comme la nôtre. Si tu dis que Allah Ta'ala rit, ça veut dire il rit comme nous. Si tu dis que Allah Ta'ala se met en colère, ça veut dire il se met en colère comme nous et comme ça. Donc pour eux, il faut pas dire, il faut nier tous ces attributs, et c'est bien sûr une chose très très grave. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a aidés et qui nous a ouvert le cœur pour suivre qui? Pour suivre le sentier des salaf salah radiyallahu ta'ala anhum, des pieux prédécesseurs, hein, qui nous ont, qui ont été la cause de notre guidée bi'idna Azza wa Jal. Donc jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'attribut, la descente d'Allah Azza wa Jal. On a vu l'attribut, la réjouissance d'Allah Azza wa Jal. On a vu l'attribut, le rire d'Allah Azza wa Jal. Aujourd'hui, on va voir l'attribut, l'étonnement d'Allah Azza wa Jal. L'étonnement de Allah Azza wa Jal. Donc nous sommes au quatrième hadith. Fi ithbati al-ajabi wa sifatin ukhra. Wa huwa qawluhu. Donc voilà le hadith, je le lis en arabe, ensuite en français. Ajiba rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghiyarihi. ينظر إليكم أزيلين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. حديث حسن. نعم. شيخ الله يرحمه أدي استحديث حسن. استحديث حسن. نعم. Il me semble que شيخ الألباني رحمه أدي صحيح. نعم. car il est chez شيخ الألباني رحمه الله ou bien حسن ou bien صحيح. Car on a vu le hadith qui lui ressemble, naam, avec les mêmes mots, mais seulement il est dit, il rit. Et celui-là, c'est un hadith sahih, bien sûr. Mais aujourd'hui, c'est Ajiba. Ajiba Rabbuna. Allah Azza wa Jal s'étonne. Naam, min qunut ibadih. Allah Azza wa Jal s'étonne de la désespérance de ses serviteurs. Wa qurbi riyareh. Et s'approche délivrance. Naam, s'approche, disons, issue. Yanduru ilaykum azilina qanitin. Naam, il vous regarde, Allah subhanahu wa ta'ala, yanduru ilaykum, il vous regarde, il vous voit. Naam, il vous voit. Naam, humilié. Naam, humilié et désespéré. Fayadhallu yadhak. Il rit. Allah subhanahu wa ta'ala, il rit de vous. Naam. Ya'lamu anna farajakum qarib. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait que votre délivrance est proche. Votre délivrance est proche. Al-Muhim. Donc ce hadith, naam, ce hadith vient de décrire Allah subhanahu wa ta'ala d'un attribut qui est quoi? Qui est l'étonnement. Naam. Et l'étonnement, comme vous devez le savoir, provient de deux choses. La première, c'est quand on ne connaît pas les causes. On ne connaît pas les causes d'une chose, naam, et la chose vient. La chose survient, la chose se passe, mais on ne connaît pas sa cause. Naam. Ça vient comme ça, disons en improviste. Ou bien on ne s'attendait pas à cette chose. Et un étonnement pareil, on ne peut pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala d'un étonnement pareil. Car Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui sait tout. C'est l'omniscient. C'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala ne sache pas une chose, ensuite elle va se passer, ensuite il va s'étonner. Naam. Donc l'étonnement se divise, comme j'ai dit, en deux sortes. Le premier étonnement qui est causé par une ignorance. On ignore la chose, on s'étonne. Naam. On marche dans la rue, on trouve X, on s'étonne. Subhanallah, je croyais que tu étais en voyage. Donc je me suis étonné ici. Pourquoi? À cause de moi, X n'était pas en voyage. Je croyais qu'il était en voyage. Et croire, c'est une ignorance. Il fallait savoir qu'il n'était pas en voyage. Non. Donc le premier étonnement dont on parle, qui est causé qui est due à une ignorance, des faits, non, celui-là, on ne peut pas dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Il n'y a pas un étonnement attribué à Allah subhanahu wa ta'ala de cette sorte, c'est-à-dire basé sur l'ignorance. Mais il y a un deuxième étonnement qui fait que une chose, par exemple, se passe, non, pas de la même manière que les autres choses qui sont comme telles, qui sont comme elles, se passent. Non. Donc le deuxième étonnement, c'est un autre étonnement qui est dû à quoi? À ce que une chose soit sortie de l'ordinaire, non, et ça provoque de l'étonnement. C'est cet étonnement dont on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas le premier étonnement. Mais le deuxième étonnement qui est dû à quoi? Qui est dû à ce qu'une chose soit sortie de l'ordinaire et ne ressemble plus aux autres choses ou là aux autres comportements. Non, c'est cet étonnement avec lequel on peut décrire Allah subhanahu wa ta'ala. طيب lorsqu'il a dit عجب ربنا من قنوط عباده, Allah subhanahu wa ta'ala s'est étonné ou bien s'étonne du désespoir de ses serviteurs, du désespoir de ses serviteurs, ou à قرب رياله, avec en même temps quoi, la proche délivrance, avec en même temps la proche issue. Mais pourquoi les gens et les serviteurs, pourquoi yani, ils sont vraiment désespérés? Pourquoi ils sont vraiment dans le malheur? Pourquoi ils sont vraiment touchés? Justement parce qu'ils ne savent pas que l'issue et la délivrance est proche. Non. Si chaque personne savait que quand elle est dans un malheur, que la délivrance c'est dans une heure ou là dans une semaine ou là, elle ne sera pas peinée, elle ne sera pas peinée parce qu'elle sait que la délivrance va être bientôt. Mais le problème c'est que les serviteurs, les gens, même les croyants aussi, ne savent pas que la délivrance est proche. Mais Allah subhanahu wa ta'ala sait que la délivrance est proche parce qu'il sait tout. C'est ce qui s'est passé, ce qui se passe et ce qui va se passer, et ce qui ne s'est pas passé, s'il s'était passé, comment il se serait passé. Naam. Donc c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Naam. Fayajabu Rabbu azza wa jalla kayfa naqmatu wa huwa subhanahu wa ta'ala qaribu at-taghyir yughayyiru al-hala ila halin ukhra bi kalimatin wahida wa hiya kun fayakun. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne? Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne que nous on désespère et on rentre dans le grand désespoir, alors que non, si on avait vraiment confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, on aurait su que Allah ta'ala peut d'un instant à l'autre changer la situation. Pourquoi? Parce que il lui suffit de dire à la chose soit et quoi, et elle est. Non, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Comment mes serviteurs, non, ont-ils oublié que même quand ils sont dans le désespoir, que d'un instant à l'autre je peux tout faire changer? Non. A-t-on oublié qu'Allah subhanahu wa ta'ala, d'une seconde à l'autre, peut tout changer? Tous les cœurs des êtres humains sont entre deux doigts de ses beaux doigts. Non. Donc, il peut vite changer la situation. Quelqu'un qui est très déprimé, quelqu'un qui est dans le grand désespoir, Allah ta'ala peut, en une seconde, le rendre, quoi? Le rendre le plus heureux, le plus gai, le plus jovial. Non. Et le contraire est valable. Vous ne voyez pas que quelqu'un, non, qui est très gai, qui est très joyeux, qui est, hein, d'une minute à l'autre, il peut devenir, non, dans la situation inverse et avoir le cœur gros et le cœur chagriné. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi? C'est le fait qu'Allah Azza wa Jal puisse yani, renverser nos cœurs et les faire passer de la situation où il y a la peine, où il y a l'affliction, où il y a le désespoir, à la situation où il y a le bonheur, la joie, la gaieté. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne. Il a dit: Yanduru ilaykum azilin Allah subhanahu wa ta'ala vous regarde, mais vous voit comme ça, humilié, réduit, désespéré. فَيَظَلُّ يَضْحَكُ يَظَلُّ يَضْحَكُ مِنْ هَذِي الْحَالِ الْعَجِيبَةِ كَيْفَ تَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ أَرْحَمَ الرَّحِيمِينَ الَّذِي يَقُولُ لِشَيْكُونَ فَيَكُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala commence à rire. Naam, il rit. Pourquoi? Il rit de nous. Naam, il rit de cette situation qui est étonnante. Comment la personne désespère alors qu'elle adore Allah Azza wa Jal qui est le tout miséricordieux, le grand miséricordieux. Naam. Vous voyez pas que c'est étonnant? C'est étonnant. Comment quelqu'un peut-il désespérer quand il sait lui le tout miséricordieux, le grand miséricordieux, et qui, d'une seconde à l'autre, peut changer toutes les situations? Il a dit, يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ قَرِيبٌ. Allah subhanahu wa ta'ala sait que l'issue et la délivrance est très proche, est très proche, et que bientôt les soucis vont passer, le chagrin va passer. Taïb, taïb. Donc voilà le hadith d'aujourd'hui, c'est un hadith court, mais qui nous apprend une grande chose très très importante. C'est quoi? Il nous apprend un nouvel attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est l'étonnement. Remarquez avec moi que dans ce hadith, il y a beaucoup d'attributs. Premièrement, l'ajab. Le premier attribut, c'est quoi? C'est l'étonnement. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ajibarbuna. Notre Seigneur s'est étonné. Donc c'est le premier attribut. Et cet attribut qui est l'étonnement, on vient voir maintenant qu'il a été cité dans un hadith authentique. Même, je dirais, il a été même cité dans le Coran. Même dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a cité qu'il avait parmi ses attributs l'attribut de l'étonnement. Il a dit dans le Coran, dans Surat Safat, verset numéro 12, il a dit Bel ajibtu wa yaskharun. Naam. Le verset le plus connu dit Bel ajibta. Ajibta. C'est-à-dire toi, ô Muhammad, toi, tu t'étonnes. Naam. Et il se moque. Mais il y a une lecture, si je puis dire, ou bien une version authentique, naam, où il est dit Bel ajibtu, avec dhamma au lieu de fatha, c'est-à-dire mais je m'étonne. Naam, ça devient maintenant l'article ou là le pronom, pardon, revient à Allah. Naam, si on dit ajibtu, naam, bel ajibtu, donc je m'étonne et il se moque. Wa yaskharun. Naam. طيب. Qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith? On prend aussi de ce hadith فيه أيضا بيان قدرة الله عز وجل وأنه عز وجل تام القدرة إذا أراد إذ يغير الحالة من حال إلى ضدها في وقت قريب. Ce hadith contient aussi quoi? L'attribut de la puissance. La puissance d'Allah عز وجل. Où est la puissance d'Allah عز وجل? La puissance d'Allah عز وجل ici se trouve en ce sens que d'un instant à l'autre il peut renverser la situation. Non. D'un instant à l'autre, Allah Azza wa Jal, d'une seconde à l'autre, il peut renverser la situation. Donc, ne peut faire cela que le puissant. Ne peut faire cela que Allah Azza wa Jal. Non. Il y a un autre attribut aussi dans ce hadith. C'est quel attribut? L'attribut du regard. Allah subhanahu wa ta'ala nous regarde. Car le hadith a dit, il vous regarde. Il y a un autre attribut aussi dans ce hadith. Quel est l'autre attribut? Le rire. Il a dit, il vous regarde. Il vous regarde. Ensuite, il a dit, et il rit de vous. Il rit. Donc, il y a le rire. Il y a un autre attribut aussi dans ce hadith. C'est quoi? La science. La science. Quand il a dit, il sait que la délivrance est proche. Il sait que la délivrance est proche. Donc, l'attribut de la science. Il y a aussi un autre attribut dans ce hadith. C'est quoi? La miséricorde. Rahma. Où se trouve la miséricorde dans ce hadith? Parce qu'il a dit que la délivrance est proche. Et la délivrance, c'est un dalil, c'est un signe. C'est un signe de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah ta'ala, s'il n'était pas miséricordieux, il t'aurait laissé avec ton grand chagrin. Il t'aurait laissé avec ta grande peine. Mais Allah azza wa jal est miséricordieux. Et par exemple, il enlève le chagrin, fait descendre la pluie, et comme ça. Tayyib, qu'est-ce qu'on prend aussi de ce hadith maintenant? Qu'est-ce qu'on prend de ce hadith? Ou bien avant qu'on prenne de ce hadith, je voudrais vous ajouter un hadith qui n'est pas dans le livre ici, mais qui, dans ce hadith, on prend l'attribut de l'étonnement, car on a cité le premier hadith. Maintenant, je vais donner un deuxième hadith où c'est cité aussi l'étonnement, disons pour fortifier et corroborer, inshallah ta'ala, l'attribut de quoi? L'attribut de l'étonnement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ton Seigneur s'étonne d'un berger au sommet d'une montagne qui fait l'appel à la prière, il fait l'adhan et prie. Allah Azza wa Jalla, le puissant et le majestueux, dit, qu'est-ce qu'il dit? Regardez mon serviteur, il dit sûrement aux anges, il dit aux anges, regardez mon serviteur que voici. Il procède à l'adhan et il fait la iqama. Et il éprouve de la crainte pour moi. Je vous prends pour témoin que j'ai pardonné à mon serviteur et que je le ferai rentrer au paradis. Hadith Sahih se trouve dans Sahih al-Nasa'i de Sheikh al-Albani, numéro 642. Donc, c'est quoi l'attribut ici? Allah Azza wa Jalla s'étonne. S'étonne de qui? D'un berger au sommet d'une montagne. Que fait ce berger? Il est seul. Il fait le adhan et il fait la iqama. Donc, vous voyez que il est de la sunna, quand quelqu'un se trouve seul, de faire quoi? De faire le adhan et de faire la iqama. Il dit pas: je suis seul ici dans cet endroit, pourquoi je vais faire le adhan? Personne ne va m'entendre. On dit le adhan, ce n'est pas seulement pour que les gens t'entendent et viennent faire la prière, mais le adhan parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il aime qu'on fasse le adhan, premièrement. Et deuxièmement, il n'y a pas quelque chose qui t'entende sans qu'elle ne soit témoin demain devant Allah Azza wa Jal pour toi. Donc, tu gagnes quoi? Tu gagnes s'il y a un arbre qui t'entend, s'il y a un caillou qui t'entend, tout ce qui t'entend va témoigner demain pour toi que tu faisais l'adhan et tu faisais la prière, mashallah. C'est pour ça que dans la sunna, quand on fait l'adhan, on doit lever la voix au maximum pour que tout ce qui est loin puisse nous entendre. Naam. Donc vous voyez que cette personne était seule et a fait l'adhan et a fait l'iqama. Naam. Et vous savez qu'il y a un hadith sahih dans Sunan Bayhaqi. Sunan Bayhaqi, le Cheikh Al-Albani, Allah yarhamou, a dit c'est un hadith sahih. Une seconde, inshallah. Naam. J'avais dit que Muslim, est-ce que vous m'entendez, Muslim? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, j'ai dit qu'il y avait un hadith dans Sunan Bayhaqi, Cheikh Al-Albani a dit, hadith en sahih, où il est dit que notre mère Aïcha, radiallahu ta'ala anha, quand elle faisait la prière, elle guidait les femmes, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait le adhan. Non, elle faisait le adhan, la iqama, et ensuite elle se mettait au milieu et guidait les femmes. C'est un hadith authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait rentrer cette personne au paradis parce qu'elle a appliqué quoi? Une sunna, masha'Allah. Étant seule, elle a fait l'adhan et elle a fait la iqama bi'idhnillahi azza wa jal. Qu'est-ce qu'on prend maintenant davantage quand on apprend un nouvel attribut? Vous savez que les attributs d'Allah Azza wa Jal, Non seulement il faut les connaître pour connaître Allah et l'aimer, mais encore chaque attribut, il faut que on applique ce qui découle de lui. Je donne un exemple. Si tu apprends que Allah, par exemple, te voit, donc tu appliques quoi? Tu appliques que tu ne dois pas faire des choses, hein, qui sont interdites car il est en train de te voir. Si tu viens d'apprendre que Allah Ta'ala entend. Donc qu'est-ce que tu appliques? Tu appliques que tu dois pas dire des choses, hein, que Allah Ta'ala n'aime pas parce qu'il est en train de t'entendre. Non. Quand tu as appris que Allah Ta'ala descendait chaque nuit le dernier tiers, donc tu prends quoi? Tu prends que puisqu'il descend, Allah Azzawajal, et que il dit, est-ce que vous avez des souhaits, je les exauce, est-ce que vous avez des demandes, je vous les donne. Donc tu apprends quoi? Tu apprends que tu fais ton possible pour te lever, non, pendant sa descente, pour faire des doigts, pour qu'il t'exauce. Et comme ça. Aujourd'hui, on a appris que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonnait de la désespérance de ses créatures. Donc qu'est-ce qu'on va apprendre de cela? On va apprendre أن الإنسان إذا علم ذلك من الله عز وجل حذر من هذا الأمر وهو القنوط من رحمة الله عز وجل ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر. En lisant le premier hadith donc d'aujourd'hui qui parlait de l'étonnement d'Allah Azza wa Jal de ses serviteurs qui deviennent désespérés alors que la délivrance est proche, on apprend quoi? On apprend donc que il est interdit en islam de désespérer. Il est interdit en islam, non, de désespérer. Je dirais mieux que cela, désespérer en islam, ça rentre dans les grands péchés. Désespérer en islam, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les grands péchés. D'ailleurs, quand on désespère, ça veut dire quoi? Pourquoi ça rentre dans les grands péchés? À cause de deux choses. La première des choses, non, on n'a pas pensé bien d'Allah Azzawajal. On n'a pas pensé qu'il est le miséricordieux, le grand miséricordieux. C'est-à-dire, peut-être qu'on a pensé que c'est quelqu'un qui se venge de nous. Astaghfirullah. Non, c'est premièrement. Deuxièmement, quand on désespère, ça risque de nous mener à très loin. Non, quelqu'un peut se jeter d'un immeuble. Il peut prendre des cachets et se suicider. Pourquoi? Parce qu'il a désespéré. Mais celui qui dans ce cœur se dit, ça va passer, Inch'Allah. C'est juste un nuage. Qui n'a pas de problème? Qui n'a pas de difficulté? Qui n'a pas ceci, cela? Celui-là, hein? Allah Ta'ala va lui enlever ses problèmes. Pourquoi? Parce qu'il a eu confiance en Allah Azzawajal et il n'a pas désespéré. Donc on prend de ce hadith que le fait de désespérer d'Allah Azzawajal, ça rentre dans les grands péchés. Ça rentre dans les grands péchés. Quel est le délil? Je viens de donner certains délils par raisonnement. Maintenant, je vais donner des délils par des textes. Allah Ta'ala dit dans le Coran: قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ عَفْوًا قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Sourate Al-Hijr, verset numéro 56. Allah Ta'ala a dit: et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés? Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur sinon les égarés? Ça veut dire que seuls les égarés, non, seuls les égarés désespèrent de qui? Seuls les égarés sont ceux qui désespèrent de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Ça veut dire que toute personne qui désespère, c'est un égaré. Égaré dans le sens de kafir. Naam. Égaré dans le sens de kafir. Naam. Et Allah Ta'ala dit dans un autre verset: وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ. En parlant de Ya'qub alayhi salam qui parlait avec ses enfants. Il a dit: وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Qu'a dit Yaqub à ses fils? Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Youssouf, de Joseph, enquérez-vous, hein, demandez après lui, et de son frère aussi, Benjamin, Benjamin. Et voilà, voilà le témoin, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah. Donc, ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Donc, quiconque désespère et dit khlas, c'est terminé. Il n'y aura plus de solution, il n'y aura plus de délivrance. Celui-là, na'am, il a fait un grand, grand péché et s'est fait ressembler au kuffar, a'udhu billah. S'est fait ressembler au kuffar, a'udhu billah. Taïb, il a dit فَالْقُنُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهُ اسْتِبْعَادُ الرَّحْمَةِ مِنْ كَبَائِرِ الذُّنُوبِ. Il a dit le fait de désespérer et de dire qu'il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas d'issue, est l'un des grands péchés. وَالْوَاجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ أَنْ يُحْسِنَ الظَّنَّ بِرَبِّهِ. Et ce qui est obligatoire pour le croyant, c'est quoi? C'est de ne penser d'Allah Azzawajal que du bien. De ne penser d'Allah Azzawajal que du bien. Naam. إذا دعاه أحسن الظن بأنه أحسن الظن به بأنه سيجيبه. Le croyant, toujours, toujours, toujours, dans tous les cas, ne pense que du bien d'Allah Azzawajal. S'il lui fait des doigts, s'il fait des invocations, naam, s'il fait des évocations, des invocations, il demande quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, naam, il pensera alors que Allah Azzawajal va lui exaucer. Naam. وإن تعبده بمقتضى شرعه فليحسن الظن بأن الله سوف يقبل منه. Et quand une personne applique quelque chose, fait la salat, fait la zakat, fait le hajj, fait le siyam, fait n'importe quoi, naam, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit penser du bien d'Allah Azza wa Jal en se disant Allah Ta'ala va accepter ce que j'ai fait, va accepter ce que j'ai fait. وإن وقعت به شدة فليحسن الظن بأن الله سوف يزيلها. Et la même chose, si une personne tombe dans les difficultés, tombe dans les problèmes, dans le chagrin, dans l'affliction, n'am, elle doit penser du bien d'Allah Azza wa Jal et se dire que Allah Azza wa Jal va bientôt me libérer. N'am, Allah Azza wa Jal va bientôt me délivrer. L'issue inshallah ta'ala est proche. لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال المسجد الله أدي وعلم أن النصر مع الصبر. Et sache que la victoire est avec la patience. وأن الفرج مع الكرب. Et c'est toujours le prophète Islam qui dit وأن الفرج, et que la délivrance se trouve avec l'affliction et la peine et l'angoisse. وأن مع العسر يسرا. Et à côté de la difficulté, il y a la facilité. À côté de la difficulté, il y a quoi? Il y a la facilité. Naam. Donc voilà, inshallah ta'ala, pour le hadith. Naam. Voilà pour le hadith qui parlait de quoi? Qui parlait de l'étonnement d'Allah Azza wa Jal. Naam. On va faire une petite révision. Naam. Parce que le hadith est terminé. Naam. Et le prochain hadith parlera inshallah ta'ala du pied, le pied d'Allah Azza wa Jal et sa jambe. Naam, le prochain hadith bidna Azza wa Jal. Taïb, je voudrais faire une petite révision puisque le hadith est terminé. Donc on vient d'apprendre un nouvel attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est quoi? Qui est l'étonnement. Naam, on vient d'apprendre que le fait de désespérer, c'est l'un des grands péchés. Désespérer d'Allah Azza wa Jal et se dire que khlas, c'est terminé, tout est terminé, il n'y aura pas de délivrance, il n'y aura pas d'issue, il n'y a plus d'espoir, ça rentre dans quoi? Ça rentre dans les grands péchés. Ça rentre dans les grands péchés. Naam. Je voudrais aussi vous dire que naam, tous les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lui conviennent de la plus parfaite, naam, de la plus parfaite façon. Que Allah ta'ala s'étonnait, ou bien qu'il riait, ou bien qu'il descendait, naam, ou bien que il avait les mains, les pieds, les yeux, tout cela, naam, d'une façon qui lui convient. Car c'est lui qui a dit rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient et le clairvoyant. Naam. Vous savez que si je parle, naam, si je vous dis mes mains, déjà vous avez imaginé mes mains comment à peu près elles sont faites. Elles ressemblent à toutes les mains des humains. Naam. Mais si je dis la main du singe, vous avez vite naam, dans la tête que ce n'est pas une main comme la mienne. Elle est pleine de poils, etc. Très longue et comme ça. Et maintenant, si je dis la main de la fourmi, c'est tout à fait autre chose. Si je dis la main de la gazelle, c'est tout à fait autre chose. Et comme ça. Naam. La même chose pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a des attributs naam, qui nous ressemblent seulement dans les noms. Naam. Les attributs, nos attributs et les attributs d'Allah azza wa jalla ne se ressemblent que dans les noms. Seulement les noms. Tu dis main, main. Rire, rire. Étonnement, étonnement. Descendre, descendre. Comme rien ne lui ressemble, rien ne lui ressemble dans son entité. Fi dhatihi, naam, rien ne lui ressemble aussi dans ses attributs. Comme rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala en lui-même, en son entité, aussi rien ne lui ressemble dans quoi ? Dans ses attributs et dans ses gestes et dans ses actes. Il ressemble, il y a la ressemblance seulement dans les noms. Seulement dans les noms. Naam. C'est pour ça qu'il y a un grand savant qui a dit quoi ? Qui a dit quiconque. Naam, quiconque. Qui dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas la main, c'est un kafir. C'est un kafir. Pourquoi ? Parce que Allah ta'ala a cité ça dans le Coran et les hadiths sont authentiques que Allah ta'ala a les deux mains. Mais, toujours le savant a dit cela, mais quiconque dit que Allah ta'ala a des mains comme nos mains, c'est aussi un kafir. C'est aussi un kafir. Pourquoi ? Parce qu'il a fait ressembler ses mains, les mains d'Allah Azzawajal, à nos mains. Donc vous voyez, le salafi se trouve au milieu. Le salafi, celui qui suit le minhaj du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, il se trouve au milieu. Il dit, je ne dis pas que Allah Ta'ala n'a pas de main, je deviens kafir, j'ai peur. Je ne dis pas que Allah Ta'ala a des mains qui nous ressemblent, je deviens anthropomorphiste. Naam, je deviens kafir. Mais je dis comme disaient les salafs, il a des mains qui lui ressemble, comme il a une vie qui lui ressemble. Pardon, je dis qui lui ressemble. Il a des mains qui lui conviennent. Naam, comme il a une vie qui lui convient. Naam, il a une colère qui lui convient. Il a un rire qui lui convient. Il a une nuit qui lui convient. Il a une parole qui lui convient. Il a une descente qui lui convient. Et comme ça, il n'y a de ressemblance que dans les noms. Il n'y a de ressemblance que dans quoi ? Que dans les noms. Naam. Ensuite, pour terminer, il faudrait que vous sachiez que quand une personne, naam, est affligée, et quand une personne a des problèmes, quand une personne est peinée, comme j'ai dit tout à l'heure, qu'elle n'avait pas le droit de désespérer, les personnes dans, disons, dans la peine se divisent en quatre groupes. Les personnes dans la peine se divisent en quatre groupes. Naam. Le premier groupe, ce sont les personnes qui rentrent dans ce qu'on appelle tasakhot. Tasakhot, c'est-à-dire qui n'acceptent pas la chose, et disons en une réaction, naam, si je puis dire, violente. Une réaction qui va à l'encontre de la sharia, à l'encontre de l'islam, à l'encontre de ce que Allah Azza wa Jalla a légiféré. Et le fait de ne pas accepter la difficulté, le fait de ne pas accepter le malheur, hein, peut être traduit par le cœur, comme il peut être traduit par la langue, comme il peut être traduit par le corps. Naam. Il peut être traduit par le cœur quand la personne dans son cœur n'accepte pas la chose, n'accepte pas le destin. Non. Quelqu'un qui, par exemple là, je donne seulement un exemple, perd son fils, non, ou le perd sa fille, ou le perd son père, ou là, dans son cœur, il n'accepte pas. Dans son cœur. il n'accepte pas. Et peut-être qu'il se dit dans son cœur qu'Allah Ta'ala est injuste. Astaghfirullah al-Azim. Peut-être, hein, dans son cœur, il n'a pas accepté. Il s'est dit, pourquoi c'est seulement à moi que ça arrive ces choses? Pourquoi mon voisin, qui est un kafir, et mon voisin, qui, même s'il est musulman, c'est un pervers, il ne fait ni la salat, ni rien, la femme, les boissons, les femmes, ceci, cela. Il a 8 enfants, 10 enfants, ils sont toujours avec lui, autour de lui, et c'est seulement moi, mon fils, qui est mort. Ça c'est dans le cœur. Des fois ça se traduit avec la langue, le mécontentement du destin se traduit avec la langue, comme quelqu'un, comme par exemple les chiites et les ignorants qui commencent par exemple à se griffer le visage, surtout les femmes qui font cela et qui disent Yahweh, il commence à se griffer le visage et à faire des doigts contre soi-même. Certains gens, certaines femmes, dans la difficulté, font des doigts sur soi-même. Ils demandent, yani, qu'il leur arrive le plus grand malheur, ceci, cela. Ils font des doigts contre eux-mêmes. Et certains, c'est plus grave, traduisent le mécontentement avec leur langue. En quoi? En disant des choses qui ne conviennent pas de dire à Allah subhanahu wa ta'ala. Certains lui font des reproches. Ils disent, Ya Allah, pourquoi seulement moi? Ya Allah, as-tu oublié que tu m'as déjà pris X et Y? Ya Allah, et comme ça, a'udhu billah. Et d'autres feront des choses plus graves. Ils insulteront Allah subhanahu wa ta'ala. D'autres feront des choses plus graves au point qu'ils insulteront Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Tout cela c'est quoi? Tout cela c'est le premier groupe, ceux qui n'acceptent pas le destin, n'acceptent pas le malheur et traduisent cela ou bien par leur langue ou bien par le cœur ou bien par le corps. J'ai oublié par le corps. Par le corps, c'est quoi? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, il se griffe, il déchire les vêtements et il se tire les cheveux et comme ça. Et tout ça, bien sûr, c'est des péchés. Non. Le deuxième groupe, ce sont ceux qui patientent. Et patienter dans le malheur est une chose obligatoire. Pour ceux qui ne savent pas, je leur dis, obligatoire. Que si tu ne la fais pas, tu as des péchés. Si tu vas avoir des péchés, c'est une chose obligatoire. Ça, c'est le deuxième groupe. Le troisième groupe, ce sont ceux qui non seulement patientent, mais encore agréent. En arabe, on dit yarda. Il dit, Alhamdulillah, je suis radi. Et la femme dit, je suis radiya. Ana radi, il m'a dit, ana radiya. Radiya, ça veut dire, j'ai agréé, naam, radito. Et agréer le malheur, bien sûr, ce n'est pas une chose obligatoire, c'est une chose recommandée, c'est tout. Mais c'est patienter qui est obligatoire. Car agréer, c'est quelque chose de plus haut que patienter. C'est pour ça que ce n'est pas obligatoire. Et pas tout le monde agrée. Et la différence entre patienter et agréer, c'est que celui qui agrée, pour lui le malheur, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, ça n'a pas d'importance. Celui qui agrée, ça veut dire dans son cœur, c'est comme s'il n'y avait pas le malheur du tout. Le malheur pour lui, c'est comme s'il n'existe pas. Tandis que celui qui patiente, il sent le malheur. Il sent son cœur qui brûle, mais il est en train de patienter. Donc voilà la différence entre celui qui est patient, c'est tout, et c'est obligé qu'il patiente, et celui qui agrée. et il a des récompenses car il n'est pas obligé d'agréer. Non. Et je vous ai dit la différence, celui qui patiente, il sent la brûlure du cœur et il patiente. Tandis que l'autre, il ne sent pas. Il ne sent pas pour lui, c'est comme si rien ne s'était passé. Ensuite, il y a le quatrième groupe plus haut, c'est qui? C'est Shaker. C'est celui qui remercie. Celui qui remercie. Nam. Et bien sûr, n'arrive à ce rang que vraiment les messagers, les véridiques et vraiment les pieux. Ce sont les pieux vraiment qui peuvent arriver à ce stade. Il y en a, bien sûr, il y en a. Nam. Le fait d'avoir un grand problème, d'avoir un grand souci, et malgré cela, qu'est-ce qu'il fait? Il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi il le remercie? Il le remercie à cause de deux choses. Premièrement, Allah ta'ala aurait pu lui donner plus grave que ceci. Naam. Tu vois ton malheur, toi? Compare-le avec le malheur des autres, tu vas trouver que il est petit. Compare ton malheur avec le malheur de celui qui a le sida, celui qui a le cancer, celui qui a ceci, cela, tu vas trouver que ton malheur est petit. Naam. Donc il remercie Allah subhanahu wa ta'ala de ce côté. Deuxièmement, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala aussi. Pourquoi? Parce que il sait que chaque malheur, comme a dit le messager d'Allah, chaque malheur qui atteint le croyant, n'importe quel malheur qui atteint le croyant, qu'est-ce qu'il fait? Il sera la cause pour t'annuler tes péchés. Ne serait-ce que Shoka. Naam, Shoka, l'épine. Une épine qui te rentre dans ton pied, hein? Une petite épine, naam, et cette épine qui ne vaut rien, hein? Cette épine, elle sera la cause de quoi? De l'annulation de tes péchés. Donc, en ayant les problèmes, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné un sabab. Pourquoi? Pour annuler ses péchés. Naam. أقول ما تسمعون استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مسلم إن شاء الله on passe aux premières questions إن شاء الله تعالى je vais répondre à quelques questions et إن شاء الله تعالى je vous laisserai في أمان الله وفي حفظه طيب on commence إن شاء الله تعالى إن شاء الله تعالى je te laisse enlever les rouges et donner les rouges et comme ça إن شاء الله تعالى تفضل Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a du son, cher? Alhamdulillah. Oukhti Sounia, posez votre question, inshallah, je vous ai enlevé le raid. Oum Sounia, elle est où, inshallah? Est-ce qu'elle lève la main ou pas? Sonia, si vous levez pas la main, Inch'Allah, levez-la pour que je vois votre pseudo. Sonia. Non, mais je la vois. Je vous ai enlevé le raid, Sonia. Posez votre question, Inch'Allah. Sonia, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Sonia, si vous êtes là, tapez 1, Inch'Allah. Barakallahu fikoum. Non, me posez votre question, Inch'Allah. La question n'est pas passée, donc Inch'Allah, sinon vous me l'envoyez en PV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai eu une journée très éprouvante vendredi dernier et je n'ai malheureusement pas pu faire la salat du Fajr jusqu'à l'Aïcha. Puisse Allah m'accorder son pardon. Allahumma amin. Et j'ai repris ma salat dès le lendemain, alhamdulillah. Mais je ne sais pas comment faire pour rattraper la journée où je n'ai pas pu prier. Pourriez-vous, cher, me dire ce que je dois faire, Inch'Allah? Barakallahu fikoum. Tfadr, cher. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Vous m'entendez? Alhamdoulilah. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Faut dire que ce qu'a fait Oum Sonia, ne se fait pas en islam. Non. Car en islam, il est impossible que quelqu'un reste une journée sans faire la prière. Il est impossible, impossible, impossible, dans tous les cas. Quelqu'un va me dire, comment ça? Peut-être que il était à l'hôpital, peut-être qu'il était en prison. Je dis, naam, à l'hôpital, en prison, où il est, il fait la prière. Il ne peut pas debout, assis. Il ne peut pas assis sur son côté, non, sur son flanc. Il ne peut pas sur son flanc avec ses yeux. Il ne peut pas avec ses yeux. Avec son cœur. Il peut pas avec il a la janaba, il peut pas faire le rost avec le tayammum. Il peut pas avec le tayammum sans tayammum. Seulement, il n'a pas d'excuse. En islam, il n'a pas d'excuse. Sauf s'il a perdu la raison. Ou bien il a dormi toute la nuit. Ou bien toute la journée. Naam. Mais pour dire que il s'est passé des choses, j'ai pas eu le temps de faire la prière, c'est impossible. Je dis, c'est impossible en islam. C'est possible chez les gens, bien sûr. Mais en islam, il n'y a pas cela. En islam, Allah Ta'ala a fait descendre un verset pour dire que quand les musulmans sont dans le djihad, dans la guerre sainte, et si tu vas mourir, tu vas mourir martyr, shahid, aller directement au paradis, et tu n'as pas le droit de dire je laisse la prière pour après. Je suis dans le djihad, la bataille, il y a les fusées, les tanks, les balles qui passent au-dessus de ma tête, je peux pas faire la prière. Allah Ta'ala a dit, il faut que tu fasses la prière. Naam. Wa idha kunta fi fa aqamta lahum salat fal taqum ta'ifatu minhum ma'ak. Naam. Allah Ta'ala a dit que même si vous êtes dans le djihad, vous devez vous arrêter et faire la prière par groupe. Un groupe fait la prière et un groupe combat. Ensuite, l'autre groupe vient faire la prière et l'autre part combattre. Et comme ça. Donc, moi, je dis à cette sœur, Naam, qu'Inch'Allah Ta'ala, il faudrait qu'elle regrette. Elle regrette vraiment ce qu'elle a fait. C'est vraiment, vraiment grave ce qu'elle a fait. Et que, Inch'Allah Ta'ala, elle va dès maintenant faire la prière. Maintenant, où on est en train de parler, si elle est dans l'état de faire la prière, Naam, elle doit maintenant quitter le dars et aller faire la journée. Naam, dès maintenant, tu vas commencer par la journée. Naam, tu commences par la Isha si tu as peur que la Isha sorte et tu descends. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib. Naam, tu commences par la Isha maintenant et tu descends marche arrière. Subh, Dhuhr, Asr, Maghrib et tu demandes dans chaque prière à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, je ne savais pas et je croyais ceci, cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le miséricordieux. Innahu al-Ghafur Rahim. Naam, naam, tu rattrapes dès maintenant. Tu rattrapes dès maintenant la journée. La journée, tu la rattrapes maintenant. Tu arrêtes du dars, tu vas faire les ablutions et commencer à faire le jour que tu n'as pas fait, Inch'Allah Ta'ala. Naam. Bittawfiq, Inch'Allah Ta'ala. On passe, Inch'Allah Ta'ala, au suivant. Tafadhal. Chedli a posé votre question, Inch'Allah. Je vous ai enlevé le raid. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. J'aimerais savoir quels sont les remèdes pour atteindre la sincérité dans nos actes, les signes qui nous montrent la sincérité de nos actes et comment se préserver de l'ostentation dans nos actes. Si la question est terminée, tapez 1, Inch'Allah. Tfadal, Cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Je voudrais dire deux choses en ce qui concerne l'ostentation. Non, je voudrais dire deux choses en ce qui concerne l'ostentation, Inch'Allah Ta'ala. La première, c'est que il n'y a pas une personne qui lui vient pas le shaitan et lui dit attention, tu es en train de faire l'ostentation. Car le shaitan, non, il vient aussi de cette porte pour essayer de dissuader la personne pour qu'elle n'adore pas Allah Azza wa Jal, ou bien du moins pour que son adoration ne soit pas parfaite, pour qu'elle soit embrouillée. Alors le shaitan vient et te dit ce que tu es en train de faire, c'est de l'ostentation. C'est pour ça que les savants ont dit quand quelqu'un est en train de faire la prière, si le shaitan lui dit attention, arrête ta prière, tu fais de l'ostentation, qu'est-ce qu'il doit faire? Alors il doit continuer. Non. S'il devait faire deux rak'at, alors il va faire quatre maintenant pour lui montrer à ce chien-là comment il veut m'embrouiller et il veut me couper ma salat. Non, ça c'est la première des choses. Et la deuxième des choses que je veux dire, Naam, la sincérité, Naam, c'est quelque chose qu'on ressent dans le cœur. Naam, quand on ressent dans le cœur que notre cœur est apaisé, ça veut dire qu'on est sincère. On ne ressent pas des choses comme ça, comme des courants qui viennent à l'intérieur, qui commencent à te dire, fais cette chose, les gens sont en train de voir, commence à prier, les gens sont en train de voir, fais l'aumône, les gens te voient, mais au contraire, tu sens le cœur apaisé. Tu sens que tu voudrais aller te cacher pour faire des choses, aller te cacher pour faire la prière, aller te cacher quand tu jeûnes, aller te cacher si tu veux faire de l'aumône. Et comme ça, tu sens un grand apaisement dans le cœur. Voilà en général comment je réponds. Sinon, c'est une chose très difficile, car c'est une chose qui se passe dans le cœur. Et ce n'est pas une chose qui a un délire comme ça clair. Ce n'est pas une chose qui a un délire comme ça, disons comme une lampe. S'il y avait une lampe qui s'allumait, le vert, tu es sincère, le rouge, tu fais l'ostentation. Ça, ce serait très facile. Mais justement, il n'y a pas cette lampe. L'Azzawajal a laissé ça au niveau du cœur. Si tu sens de l'apaisement, Masha'Allah, ça veut dire que cette chose a été faite avec sincérité. Maintenant, si tu sens du plaisir à ce que les gens sachent, tu sens du plaisir à ce que les gens te remercient et te fassent l'éloge, ils te disent tu es Masha'Allah, tu as du ilm, tu as ceci, tu as cela, ça veut dire qu'on manque d'ostentation. Et troisièmement, pour terminer, je voudrais dire que l'ostentation et la sincérité, peut être dans une chose, dans une action, et ne peut pas être dans, et peut ne pas être dans une autre. C'est-à-dire que tu peux être sincère en donnant, par exemple, aujourd'hui 10 euros à un pauvre, et demain, tu vas donner 50 euros là, et il se peut que tu le fasses avec ostentation. Alhamdoulilah, on dit Alhamdoulilah, pourquoi? Alhamdoulilah que les choses et les actions ne sont pas collées l'une à l'autre. Comme ça, si au moins une personne fait l'ostentation dans une chose, au moins, Alhamdoulilah, elle peut se rattraper dans une autre adoration. Elle peut se rattraper et dire Astaghfirullah et demander Allah le pardon. Et se rattraper dans une autre adoration. Le mieux, c'est de cacher nos actions, même petites. Toute action que l'on peut faire en cachette, si c'est une nafila, si c'est pas une chose obligatoire, elle est mieux que celle qu'on fait devant les gens. Toute action, même si elle est petite, si elle est nafila, elle est surrogatoire, elle n'est pas obligée, il vaut mieux la faire en cachette. Il vaut mieux la faire en cachette. D'ailleurs, il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam où il dit que Allah subhanahu wa ta'ala s'étonne ou bien rit ou s'étonne. Je ne suis pas très sûr, mais c'est l'un des deux attributs d'un groupe de gens. Ils sont deux ou trois comme ça, ils sont en train de marcher. Ils rencontrent qui? Ils rencontrent un pauvre, un nécessiteux. Ensuite, une du groupe, qu'est-ce qu'elle fait? Une personne du groupe, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'attarde comme ça, elle s'attarde un peu. Peut-être qu'elle fait semblant de toucher ses souliers, je sais pas quoi. Elle s'attarde un peu. Ensuite, quand les autres qui étaient avec cette personne ne la voient plus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne l'aumône. Elle donne l'aumône comme ça à la personne en cachette et elle rejoint le groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, elle rit ou bien s'étend de cette personne. Comment? Elle était avec des gens et elle a donné l'aumône et personne n'a su. Personne n'a su sauf Allah Azza wa Jal. والله سبحانه وتعالى أعلم تفضل إن شاء الله البروشين أم فردوس posez votre question إن شاء الله je vous en donnerai. السلام عليكم ورحمة الله. Concernant la aqida, la aqiqa, peut-on donner le mouton à des pauvres alors que la viande n'est pas cuite? بارك الله فيكم حياكم الله. Qu'Allah vous accorde le Firdaus. Amin. تفضل شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العقيقة qui est une sunna mu'akkada, très recommandée, surtout pour celui qui a de l'argent. L'essentiel en العقيقة c'est quoi? C'est le fait d'égorger le mouton. C'est le fait de l'égorger. Et bien sûr, maintenant après l'avoir égorgé, il vaut mieux prendre une partie, en donner aux pauvres, ou bien inviter des amis, la famille, comme ça, mais si on n'est pas obligé de le faire cuire. L'essentiel, c'est quoi? C'est d'avoir égorgé le mouton. D'avoir égorgé le mouton. Maintenant, si on ne veut pas le garder, on veut le donner ou là, le partager entre les pauvres, ou là, tout cela est possible. Tout cela est possible. Maintenant, si on le donne sans le cuire, c'est aussi possible. Ce n'est pas obligé que je le fasse cuire pour le donner. Si, d'ailleurs, les gens, ça les intéresse qu'on leur donne une partie, par exemple, du mouton qui ne soit pas cuit. Parce qu'ils veulent le cuire, le faire cuire d'après leur façon. Ou bien ils ne veulent pas le faire cuire aujourd'hui, ils veulent le laisser pour la semaine prochaine. Et comme ça. Naam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadla, inshallah, le suivant. Salam à 57, inshallah, posez votre question. Salam alaykum wa rahmatullah, shaykh. Hayakum Allah. On a vu que le désespoir est un grand péché, par lequel on peut penser du mal d'Allah Ta'ala. Est-ce qu'Allah Ta'ala fait une issue à une personne qui désespère malgré cette mauvaise pensée? Et pouvez-vous citer la référence de la surat après surat Hijr, verset 56? Tfadr Cheikh. Alaykoum salam. Je suis en train de chercher la surat après le Hijr, verset 56. Hijr, verset 56. Attendez, je vais voir c'est où. Naam, c'est le verset qui dit وَلَا تَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ. Sourate Yusuf, page 87. Sourate Yusuf, verset 87. Ô mes fils, partez et enquérez-vous de Yusuf et de son frère, et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Ce sont seulement les gens mécréants qui désespèrent de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Ça, c'est pour la deuxième question. Pour la première question, est-ce que Allah Ta'ala peut-il faire une issue à une personne qui désespère malgré cette mauvaise pensée, c'est un âme. La personne qui désespère se divise en deux. Celle qui ne sait pas, c'est une ignorante. Allah Ta'ala, il est tellement miséricordieux que il lui pardonne. Et lui fait son, la deuxième sorte, c'est celle qui sait. Non, elle sait que c'est interdit, elle sait que c'est un grand péché, elle sait que c'est haram. Non. Et celle-là, qu'est-ce qu'elle fait? Malgré cela, elle désespère et dans son cœur, elle pense du mal d'Allah Azzawajal. Celle-là rentre dans sous ce qu'on appelle la volonté d'Allah, sous le Mashi'a. Si Allah Ta'ala veut lui faire une issue, il lui fait. S'il ne veut pas, il ne lui fait pas pour la châtier encore une fois d'avoir fait ce grand péché. Car cette personne a la science. Elle sait que c'est interdit, ce n'est pas comme l'autre. Naam. Mais si Allah Ta'ala, malgré cela, veut lui faire une issue, c'est lui le grand miséricordieux. S'il ne veut pas, naam, personne ne peut lui dire, ne peut lui poser la question pourquoi vous n'avez pas voulu. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Tafadhal. Naam, également, Cheikh, une question que je vais vous poser, Inch'Allah. Il y a une sœur qui vous a envoyé plusieurs mails et elle a essayé de vous appeler, elle n'a pas réussi à vous avoir. Et Annie, c'est une question importante. Elle demande est-ce que vous pouvez prévoir un PV, Inch'Allah, pour la réponse. Abou et Oum Ninin, Inch'Allah, posez votre question, je vous ai enlevé le raid. J'ai la question en PV, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum shaykh wa hafizakum Allah. Qu'Allah Ta'ala vous récompense pour vos cours bénéfiques et pour votre patience. Est-il permis de mettre le Coran en arabe dans la maison alors qu'on ne le comprend pas dans sa totalité et que les enfants ont tendance à parler et à faire du bruit? Jazakumullah khair shaykh wa salamu alaykum wa rahmatullah. Tfadal shaykh. Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Naam. Taïe, prépare-moi la question qui est en PV. Prépare-moi la question, Inch'Allah, qui est en PV. Et envoie-la moi en PV. Ensuite, autre chose. Non, pour le Coran, même si on ne comprend pas la totalité, l'essentiel, c'est de l'entendre. Non, c'est de l'écouter. On peut écouter et comprendre. On peut écouter et ne pas comprendre. L'essentiel, chaque mot que tu comprends, tu médites ce mot, tu as des hasanat, inshallah ta'ala. Naam. Et ensuite, quand on met le Coran, s'il y a des enfants qui jouent, etc., ce n'est pas interdit. Car les enfants, c'est très difficile de leur demander, naam, c'est très difficile de leur demander d'écouter, de méditer, surtout de méditer. Donc, il faut voir quelle est la raison pour laquelle j'ai mis le Coran. Si je l'ai mis pour moi, hein, l'essentiel c'est que moi je suis en train d'entendre, même si j'arrive pas à maîtriser les enfants. Mais l'essentiel c'est que moi, au moins, je suis en train d'entendre. Mais si maintenant je sais que je vais le mettre et personne ne va l'entendre, là il vaut mieux ne pas le mettre. Car quand on met le Coran, c'est pour qu'il y ait quelqu'un qui l'entende. Et ce n'est pas comme ça dans le vide. Maintenant, si, sauf pardon, si. Certaines personnes disent par exemple que j'ai dans la maison des djinns, etc. Et que je voudrais par exemple faire réciter le Coran, laisser comme ça la cassette pour les djinns, pour que ils sortent de ma maison et pour que le shaitan ne rentre pas, etc. Dans ce cas, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala a'lam, c'est permis. Car il y a toujours quelqu'un qui entend, c'est qui? Je l'ai mis pour les djinns. Ça, c'est quand on est sûr qu'il y a les djinns et que je dois mettre le Coran pour essayer de les expulser de la maison. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Tafadla, inshallah ta'ala, le prochain. Hanout al-Qalam, Inch'Allah, posez votre question. Je vous ai enlevé la règle. Salam alaykoum, cher. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Est-ce que vous avez la réponse pour le souci de la sœur que je connais, dont je vous avais expliqué il y a une semaine? Et s'il vous plaît, une autre petite question sur le dars au sujet de l'adhan. Quand on est seul, ce que vous disiez, c'est valable pour la femme ou uniquement pour l'homme? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh. Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Hanout al-Qalam, est-ce que tu m'entends? Écrit numéro 1, si tu m'entends. Alhamdulillah. D'abord, je suis désolé et je sais, Inch'Allah ta'ala, que tu vas me croire ce que je vais dire. Naam. Ça fait à peu près une semaine que je suis en train de penser dans ma tête à ta question. Ici, quand je suis seul dans la maison, naam, plusieurs fois, je m'assois et je me dis, c'est quoi la question de Hanout al-Qalam? Tellement j'ai des questions et je ne l'ai pas trouvée. D'ailleurs, aujourd'hui, quand j'ai commencé le dars et tu étais à l'intérieur, je t'ai écrit. Non, je t'ai écrit en PV pour te dire, donne-moi la question, mais tes PV sont fermés. C'est pour ça que maintenant, Inch'Allah ta'ala, ouvre ton PV et tu m'envoies la question, non, pour que je la laisse chez moi, car je ne sais pas pourquoi je l'ai oubliée, tellement j'ai deux questions. Inch'Allah ta'ala. En ce qui concerne la deuxième question, c'est pour l'homme et pour la femme. C'est pour l'homme et pour la femme. Je veux dire pour l'homme et pour la femme, ça veut dire que l'adhan est aussi permis pour elle. Mais si elle est dans la rue, si elle est comme ce montagnard-là, elle ne fait pas cette chose comme ça. S'il y a des hommes qui peuvent l'écouter. S'il y a des hommes qui peuvent l'écouter. Elle ne doit pas faire cette chose-là. Mais si elle est dans la maison et qu'elle veut faire la prière, qu'elle fasse alors l'adhan, s'il n'y a pas d'étranger qui l'écoute. Bi'idhnillah azza wa jalla. Naam. Tayyib. Attends. Je vois si ton PV est ouvert. Tayyib. Tafadla, inshallah. Hadj, je vais te poser votre question, Inch'Allah. Je vous ai enlevé la raid. Cher, j'ai la question en PV. Hein. Je la lis, Inch'Allah. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cher. Qu'Allah vous préserve, vous et votre famille, Inch'Allah. Lors même. Je ne sais pas si la question est en rapport, mais ne répondez pas pour ne pas perdre de temps, Inch'Allah. Mon enfant va avoir 7 ans et je vais lui imposer la salat, mais faut-il qu'il la fasse tous les jours? Et pour la salat du Fajr, n'est-il pas trop petit? Surtout lorsqu'il est scolarisé, comment procéder, Inch'Allah? Voilà, c'est tout. Barakallahu fik, cher. Alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Faut dire que quand la sœur a dit qu'il avait 7 ans, il est petit, faut dire qu'il n'est pas petit. Non, faut pas dire qu'il est petit pour la salat et s'il est jeune et c'est difficile pour lui, etc. Mais ce qu'il faut dire, c'est que à 7 ans, la salat est conseillée seulement pour lui. Non, elle n'est pas obligatoire à 7 ans. Non, c'est obligé pour nous qui sommes les tuteurs, de leur ordonner qu'ils la commencent. Mais pour lui, elle n'est pas obligatoire, car, non, comme vous savez, il n'est pas encore pubère. Rien des péchés ne se marque contre lui. L'azawj ne marque pour lui que les récompenses qu'il fait. Alhamdulillah. Et si vous revenez au salaf, radiyallahu ta'ala anhum, vous allez voir que, non, ils prenaient leurs enfants avec eux pour Salat al-Fajr et Salat al-Isha. Non, et les enfants étaient très très jeunes et ils commençaient à faire la prière et commençaient à jeûner. Très jeunes, comme c'est dans Sahih al-Bukhari, où il est dit que on construisait aux enfants des pelotes comme ça avec de la laine pour qu'ils jouaient avec. Non, juste pour que ils oublient que on est pendant le Ramadan. Ils oublient que on est pendant le Ramadan. Donc, à partir de 7 ans, on commence à dire à l'enfant qu'il faut faire la prière. Et à chaque fois que c'est possible, à chaque fois que c'est possible, Nam, on le met devant nous. Nam, je vais faire la prière, il l'a fait avec moi. Si maintenant son père veut le prendre avec lui à la mosquée, c'est encore mieux. Si son père le prend avec lui à chaque fois à la mosquée, c'est mieux pour qu'il s'entraîne. Mais si la mosquée est loin ou si je ne sais pas quoi, alors qu'il apprenne à la faire en groupe. Non, qu'il apprenne à la faire en groupe à la maison, bi-idhnillahi subhanahu wa azawajal. Et de temps en temps, on le laisse, c'est lui qui guide. Quand on est sûr qu'il a fait bien les ablutions, non, on le laisse guider. On le laisse guider s'il connaît par exemple la Fatiha, s'il la lit bien. Et il connaît les autres choses qu'on doit faire dans la salat, on le laisse guider. Naam. Quand on se concerne le fajr, etc., on fait notre possible, naam, on fait notre possible pour qu'il le fasse. Et le jour, les jours où il ne peut pas, etc., naam, inna Allah rahim. Mais les jours où il peut la faire, naam, on essaye de lui apprendre et de l'entraîner pour qu'il la fasse. Car sinon, il va prendre l'habitude qu'il n'y a pas Salat al-Fajr. Il va prendre l'habitude que Salat al-Fajr, il n'y a pas à 5h du matin. C'est toujours à 8h du matin quand il se lève. Il va prendre cette mauvaise habitude. Non, ça sera très difficile à la fin de le corriger. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Atfadlan, inshallah. Ibn Khalil, posez votre question, Inch'Allah. Ibn Khalil, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Ibn Khalil. Khair, Inch'Allah. Oum Younes, Saad. Inch'Allah, posez votre question. Je vous ai enlevé la raid. Oum Younes, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Tapez 1, Inch'Allah, si vous êtes là. Abu Daoud wa Ilyes. Inch'Allah, je vous ai enlevé la raid. Assalamu alaikum, Cheikh. Qu'Allah nous prive du feu à jamais. Non, mais amin. Est-ce que le désespoir n'est pas également dû à Shaytan et ses sbires qui chuchotent le mal? Si on désespère souvent à cause d'eux, que faire pour éviter cela? Salam, wa alaykoum salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. l'islam, le désespoir, peut-être aussi causé par les shayatines. Naam. Et des fois, on a un petit désespoir et ce sont eux, les shayatines, qui le grandissent. Naam. Comme lorsqu'on souffle dans le feu. Comme lorsqu'on souffle dans le feu, naam, pour qu'il grandisse, pour que ce feu grandisse. Pour éviter cela, on doit s'éloigner au maximum des shayatines, des êtres humains et des shayatines des djinns. Des shayatines des êtres humains, en choisissant les bons amis, en choisissant un bon entourage, et des shayatines des djinns, en se remettant beaucoup à Allah, en revenant beaucoup vers Allah, en lisant beaucoup le Coran, et en apprenant le dîn. En apprenant le dîn. Maintenant, quand j'apprends dans le dîn que désespérer est un grand péché, et que je frise le coffre, et comment on dit, ressembler au kofar, donc j'arrête ce désespoir et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Naam. Tafadhal Cheikh. Ibn Khalil, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Rayana, je vous ai enlevé le raid. Posez la question, Inch'Allah. Rayana, est-ce que vous êtes là? Oumi 5, est-ce que vous êtes là, Inch'Allah? Non, donc d'abord, on va commencer par Rayana. Et ensuite, ce sera Oumi 5. Rayana, posez la question, Inch'Allah. Rayana, on entend votre question, Inch'Allah. Si elle est trop longue, donnez-la moi en PV. Yannick, je rappelle, Inch'Allah, pour les personnes qui perdent leur place, pour les problèmes de déconnexion, etc. Donc, Cheikh s'est déjà prononcé sur ça, donc c'est Qadar Allah. Yannick, ceux qui perdent leur place, ils la prendront la prochaine fois, Inch'Allah. Car sinon, Yannick, pour réorganiser le tout, il y a trop de problèmes. Salam alaikum, je voulais savoir si on pouvait faire le Hajj ou la Umrah même si on a des dettes. Tfadal Cheikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في صوت. الحمد لله. طيب، وعليكم السلام. En ce qui concerne Sofiane et Latifa et le mari, salam jamia de ma part. Quand on a des dettes, nam, il faut voir avec qui on a des dettes. Si on a des dettes qui se payent par tranche, des dettes qui se payent par tranche par exemple, et que je sais que en allant au Hajj ou bien en allant à la Umrah, ça va pas altérer les dettes. Les tranches vont toujours être prises de mon compte et vont être données aux créanciers, à la société, à ceci, à cela. Donc il n'y a pas de problème, je peux aller au Hajj. Mais si c'est une personne qui m'a prêté de l'argent, un ami, un voisin, un parent, dans ce cas, nam, je ne peux pas aller au Hajj ni à la Umrah sans sa permission. C'est-à-dire, je dois d'abord lui demander la permission et lui dire, voilà, j'ai l'intention d'aller au Hajj ou bien d'aller à la Umrah. Est-ce que tu me permets d'y aller? Et quand je reviens, inshallah ta'ala, je te paye les dettes. S'il dit oui, c'est oui. S'il dit non, tu n'as pas le droit d'y aller. Car, nam, le Hajj n'est plus obligatoire pour toi et la Umrah n'est plus obligatoire. Car tu as des dettes sur ton cou. Et payer ces dettes passe avant le Hajj et la Umrah. C'est comme ça que dit Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yarhamou. Naam. Soit de l'inchallah le prochain. Donc, Oumi 5, posez votre question, Inch'Allah. Par contre, j'ai aussi une question, Yannick, vous répondrez, Inch'Allah. Est-ce que les mails, on peut vous les envoyer ou toujours pas, pour l'instant? Donc, la question de Oumi 5. Salam alaykoum, ya Cheikh. Allah yashafik wa yhafdik. Amin. Je voulais savoir si un frère salafi pouvait épouser une femme qui, elle, n'a pas la aqida salafia. تفضل الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. En fait, la personne, qu'elle soit femme ou homme, qui n'a pas la aqida salafia, se divise en deux sortes. La personne qui n'a pas une aqida salafia se divise en deux sortes. Naam. Il y a celle, la personne qui n'a pas la aqida salafia, mais qui est prête à l'avoir et consent et accepte de l'avoir si on la lui apprend. Naam. Et il y a la deuxième personne qui n'a pas la aqida salafia et qui est contre la salafia. Naam. Donc il faut faire la différence. Maintenant, si il va se marier avec une personne qui n'a pas la aqida salafia, mais qui est toujours avec un cœur propre, qui accepte la aqida, et il va lui apprendre la aqida, il aura, inshallah ta'ala, des hasanat. Il aura des hasanat en la rendant salafia et en lui apprenant la salafia. Mais s'il va se marier avec une personne qui est contre la salafia, naam, et qui dit les salafis sont des wahhabites, sont des anthropomorphistes, sont des juhels, sont des kuffars, ceci cela, celui-là il n'a pas le droit de se marier avec elle, parce que celle-là c'est un ennemi du minhaj, c'est un ennemi du minhaj. Naam. Voilà donc comment qu'ils vont voir les choses. Il faut diviser celui qui n'est pas salafi en deux. Naam. Celui qui accepte et celui qui est un ennemi. Tfadlal.